Vous écoutez France Culture. La radiodiffusion télévision française présente France Culture. Non, une seconde, je compte. Pourquoi faire ? France Culture, 50 ans de radio. Philippe Garbi, Emmanuel Laurentin. Bonjour. Toute la semaine, à l'occasion des 50 ans de France Culture, nous vous présentons des extraits de grandes émissions de la chaîne qui ont donné la parole aux créateurs, qu'ils soient cinéastes, artistes, auteurs ou metteurs en scène de théâtre. Mais la radio aussi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tend à devenir un art. Les expériences du studio d'essai, animé par Pierre Schaeffer, et du club d'essai, dirigé par Jean Tardieu, ont nourri l'imaginaire des réalisateurs de France Culture naissants qui, comme Alain Trutat, vont promouvoir un son et une écriture spécifiques à la chaîne. Bien au-delà du média qu'elle est devenue aujourd'hui, elle sollicite alors des auteurs qui écrivent pour elle et des réalisateurs ou documentaristes dont l'ambition est de décrire le monde par le son. Alors nous avons choisi aujourd'hui trois exemples parmi des dizaines de créations étalées sur cinq décennies. Yann Parentehen, technicien et producteur, un cas quasi unique dans l'histoire de cette radio. Puis un opéra de guerre composé par les ateliers de création radiophonique à partir de sons enregistrés pendant la guerre du Vietnam, et enfin des objets sonores qui cherchaient à tirer le meilleur parti possible de l'invention de la stéréo. Commençons par un extrait des Nuits magnétiques, qui en 1989 traitait des métiers du son en interrogeant Yann Parentehen, auteur de nombreuses œuvres lauréates de prix internationaux de radio, et le bruiteur Louis Amiel. Ma grand-mère avait une façon de marcher, elle ne soulevait pas les pieds, elle traînait les pieds et j'ai le souvenir, j'ai dans la tête, quand elle était en bas, moi j'étais en haut, j'ai toujours ce son de son pas, enfin pas de son pas parce qu'elle ne le soulevait pas, mais j'ai dans l'oreille le souvenir de ses pas traînés, enfin, c'est un souvenir comme ça ancien. Si, on entend l'appel à la criée. Tous les jours. Et ça, on entend très, très loin, bien d'ici. Très loin. De très loin. Oui, et puis encore, c'est pas oui, toujours. Le commencement de la criée vers 5 heures. Et puis, lorsque le téléphone, on entend. Oui. Les personnes étrangères à la criée sont priées de sortir, etc. On entend tout ça d'ici. Oui, mais c'est rare. Il faut que le vent vienne d'ici. Ah, bah. Évidemment. Et en général, souvent. On entend très bien. Oui. L'air est très pur. Et... Oui. Par contre, lorsqu'on entend la vache. La bouée. Ce sont les sons de la nuit, ça. Oui. La vache qui fait ouh. Une journée à Lesconil, Finistère Sud. Yann Parentehen. Quand on dit bruit, enfin pour nous, preneurs de son, souvent c'est péjoratif, parce qu'on dit souvent il y a un bruit de fond. Il y a bon, c'est considéré comme un parasite presque. Mais on peut le voir sous différents angles. Enfin, le bruit, ça peut être une information. Je me souviens dans Lesconil, il y a un des pêcheurs, Louis Le Fur, qui disait qu'à partir d'un certain niveau de son, quand son volet battait par rapport au vent, à partir d'un certain niveau du bruit de son volet, il considérait que son bateau était en danger. Et bon, sa femme disait, je reconnais la Nicole, c'est un bateau, parce que son moteur fait un bruit différent. Donc ça peut aussi être une information. Ça peut aussi être un symbole. Par exemple, ici, j'ai enregistré Lulu. Et quand j'ai commencé à l'enregistrer, je me suis aperçu que j'avais laissé la fenêtre ouverte. Bon, il y a la fenêtre. Enfin, il faudrait que tu te rapproches, que tu le prennes. Hein. Si tu veux voir, ça peut être intéressant de le montrer. Donc quand j'ai enregistré Lulu, bon, j'avais oublié la fenêtre ouverte. Mais tiens, c'est une erreur. Alors je suis venu fermer, la fenêtre était ouverte. Donc j'avais le son extérieur. Je me dis, je vais la fermer. Puis je me suis rendu compte que ce bruit était intéressant. Et après, je l'ai symbolisé. C'est-à-dire que quand Lulu parlait de sa vie extérieure, j'ouvrais la fenêtre. Et quand elle devenait intime, je la fermais. Lulu, c'est la femme de ménage qui travaille ici à l'étage. Et donc, voilà un bruit qui est devenu, qui est symbole. Bon, puis le bruit, c'est signe de vie. Enfin, je me souviens encore que dans l'Esconil, pour le fur, pêcheur, le bruit, c'est signe de vie. C'est-à-dire que pour lui, un porc où il n'y a pas de bruit, c'est un porc qui est mort. La vache date de 15 ans, peut-être, oui. La bouée, oui. Ils ne l'ont pas dit, les marins. De toute façon, le bruit, moi je préfère dire son, mais il faut toujours le retravailler, parce que le bruitage, si tu prends un bruit de mer par exemple, bon, si tu as un très beau bruit de mer sur 2 minutes, bon, c'est bien joli, mais tu vas pas l'éterniser, donc il faut le replacer dans un autre contexte. Donc le bruit, il faut toujours le retravailler, il n'existe jamais tout seul un bruit. Un bruit de mer, il y a toujours autre chose à côté. Il faut donc le remettre dans un contexte, le retravailler dans une composition sonore. Alors, j'ai entendu le bruit soufflant de la guillette. Ça devrait être... Alors là, on approche, puis on le trouve. Et comme le nom est marqué dessus, ça y est, c'était là. Oh, maintenant, j'ai encore à faire droit. Là, on peut aller dans le port. C'est le champ. On entend la vache. Quand on entend, c'est mauvais signal parce que le vent du sud en général. Des fois, un bruit, enfin, j'ai un souvenir d'avoir travaillé sur une bande de théâtre. Et il était question d'installer, par rapport à l'action, une potence. Bon, une potence. Donc on est allé en extérieur et on a fait le bruit supposé de la potence. C'est-à-dire des sons on frappait sur un billot, le son de bois, etc. Et ça a dérangé un chien. Et le chien s'est mis à aboyer par rapport au rythme de nos coups. Et la séquence est devenue intéressante parce que le chien lui était vrai. Mais en fait, c'est un bruit qui, au départ, a provoqué la réaction du chien. Mais si on avait pété en extérieur, on n'aurait jamais eu ce rapport des deux sons. Et je trouve intéressant aussi de provoquer. Parfois, un bruit provoque des réactions qui sont beaucoup plus intéressantes que le bruit original. Tout d'un coup, le chien, lui, c'est lui qui faisait passer l'angoisse. Alors que notre potence était dérisoire. Enfin, c'était des sons que... un peu comme en studio, quoi. Sauf que là, on avait joué dans la situation extérieure, et ça, c'est important au niveau des sons, c'est que l'extérieur amène toujours le hasard, qui n'existe pas assez en studio. Et donc, laisser rentrer le hasard dans le jeu, c'est important. C'est pour la brume, alors, hein. C'est spécialement pour la brume. Oui, elle est au large d'une jambe, mais je sais pas exactement où, je ne sais pas. Il me semble t'avoir entendu dire que pour toi, les voix, c'était aussi du bruit. Bah, c'est, avant d'être du sens, oui, c'est bruit et musique. Enfin, et on mêle souvent en mixage des voix par rapport à leur musique, enfin, à leur sonorité, avant de prendre en considération le sens de ce qui est dit. Mais c'est souvent aussi... c'est le bruit, justement, qui façonne les voix. Par exemple, en mer, on entend souvent les voix de très loin parce que les voix veulent passer au-dessus du son du moteur. Donc, quand on est très, très loin, on entend les voix vont à grande distance. C'est parce qu'ils veulent passer au-dessus d'un bruit qui est celui du moteur. Les tailleurs de pierre aussi ont des voix, d'abord parce qu'ils travaillent en extérieur. Donc, je ne sais pas, ils ont l'habitude de parler en extérieur, ils ont des couleurs de voix différentes. Et ils ont surtout des voix de basse. Enfin je trouve que maintenant, les voix, puisqu'on travaille souvent ici sur des voix différentes, je trouve que la voix monte de plus en plus dans l'aigu. Il y aura de moins en moins de voix basses, parce que, entre guillemets, les gens s'intellectualisent. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais oui, il y a une espèce de parler, comme parlaient les gens de campagne, enfin, qui parlaient peu, mais ça partait souvent du coffre. Et maintenant, ce sont plus des voix d'analyse, de réflexion, de tête. Moi, j'ai remarqué qu'il y a un changement énorme. Enfin, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais quand je manipule beaucoup de voix, je rencontre rarement des voix, sauf chez les paysans et quelques personnes encore de terre. Mais déjà, les enfants ont perdu ça. Il n'y a presque plus de basse, de voix de coffre. Enfin. Voilà, c'est ça. C'est ça la vache. Mais oui, on l'entend. Dans ce qu'on écoute, on l'entend. Oui, on l'entend plus ou moins bien. Maintenant, on n'entend plus. Tu es plutôt un individu silencieux ou bruyant ? Est-ce que tu te perçois comme un chat qui avance à pattes de velours dans le monde ou comme quelqu'un qui produit du bruit? Moi, je pense être plutôt silencieux. Puis ça vient aussi du fait que lorsqu'on enregistre, le plus difficile, c'est de se taire. Parce que souvent, tu parles sur un son, sur un bruit. Et parce que tu auras fait un simple mot, tu ne peux plus l'attraper, ce son, parce qu'il est perturbé par ton intervention. Donc je me considère silencieux parce que je passe mon temps à essayer de... Pas là, mais essayer de me taire. Enfin, ce qui est terriblement difficile parce que l'interlocuteur se dit mais qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de dialogue. Et comme tu viens là surtout pour le son, au-delà de le son parlé, ça le trouble beaucoup. Mais le difficile, c'est de se taire. On n'entend plus. Tout à l'heure, on entendait très bien. Et puis... Alors autrefois, c'est ce goémon-là qu'on ramassait et qu'on mettait à sécher. Oui, il y a des boules remplies d'air dedans. Là, c'est ça qu'on mettait à sécher et puis ça éclate. C'était d'ailleurs le jeu des enfants de faire éclater ces boules-là pour faire du bruit. Je suis du Midi, comme ça doit s'entendre, et je me souviens, c'était juste au début de la guerre, donc je devais avoir 7-8 ans, et je me souviens que d'une ambiance que je ne retrouve plus d'ailleurs, c'est une ambiance de le matin, très tôt, pour aller aux vendanges, Et on entendait, il y avait encore des chevaux à cette époque-là, on entendait le pas des chevaux dans la ruelle, avec la charrette, avec les roues en fer, et les gens qui se parlaient, qui s'interpellaient. Et je trouvais ça, à cette époque-là, je trouvais ça normal, mais pas superbe comme maintenant, parce que d'abord ça me ramène à presque 50 ans en arrière. Et je ne retrouve plus cette espèce d'ambiance matinale qu'il y avait à cette époque-là. Bon. Parce que les chevaux, il n'y en a presque plus. Des charrettes en fer, avec des roues en fer cerclées, il y en a très peu. Ou alors devant quelques hostelleries en pleine campagne pour faire décor. Tous les bruits anciens qui étaient des bruits manuels, chez un meunier, par exemple, tout le système de rouage bois avec l'eau qui coulait, qui faisait tourner un truc, les moulins à vent, des trucs comme ça. Tout ça, vraiment, ne marche plus maintenant ou sert de décoration pour faire visiter les gens. Donc, ce sont des bruits qui ont disparu. Et comme le magnéto n'existait pas à cette époque-là, on l'a que dans le souvenir de certaines personnes qui ont un certain âge. Louis Amiel, bruiteur. Le bruitage, c'est de recréer l'ambiance sonore autour d'un texte ou d'une histoire. Mais ce n'est pas de l'imitation. Alors on peut s'en servir effectivement, on peut imiter un chien, un chat, des trucs comme ça, mais ce n'est pas tout à fait du bruitage. Mais l'ambiance en elle-même, quand on crée une ambiance, c'est pour une histoire, ça veut... Ça donne un lieu où se passe l'action. Le but recherché, c'est le réalisme ou au contraire Un petit peu quand même, mais c'est surtout... Il ne suffit pas de recréer entièrement en fait, une vraie ambiance. Il suffit de recréer certains bruits qui donnent des points de repère aux gens qui écoutent. S'ils entendent une enclume, il n'y a pas besoin d'entendre un forgeron par exemple. Pendant 20 minutes, c'est pas nécessaire, mais il suffit qu'il y ait au début de la scène, par exemple, un bruit d'oiseau, donc on est en campagne, quelques bruits d'enclume, donc on est vraiment, on passe par loin d'un forgeron, une cloche au lointain, on est en campagne. Donc on n'a pas besoin de rajouter plein d'autres choses qui existent dans la vie. Si on allait sur ce même lieu, par exemple, s'il existait, on entendait d'autres bruits, mais qui ne sont peut-être pas nécessaires. Et pour pas que ça gêne aussi le texte, l'histoire qu'on raconte. Comment tu définirais le bruit qui, pour toi, caractérise l'endroit d'où tu viens ? Mais dans le midi, il y a plus d'odeurs que de sons, disons. Mais effectivement, c'est les cigales, tout bêtement. Quand on descend dans le midi, au niveau de Lyon, on commence à sentir déjà les bonnes odeurs. Et plus on descend vers le midi, et plus à ce moment-là, on entend, c'est les cigales qui font que on est dans le midi de la France. C'est un bruit agréable ? Mais il est agréable... Pour moi, il est agréable parce que ça me rappelle des souvenirs. Parce que comme je vis à Paris, au moment où j'entends ça, ça veut dire que les pieds en éventail en train de se reposer, donc c'est des vacances, c'est un repos. Et en même temps, c'est quand même un bruit très strident, très énervant, parce que quand il y a 10 ou 15 000 cigales qui chantent en même temps, c'est, à certains moments, c'est insupportable. Mais en même temps, c'est très agréable. Je crois que les bruits qui risqueraient d'être inquiétants, ce serait si on arrivait à rentrer dans le corps humain et d'entendre toute cette machine humaine qui fonctionne, ça doit être atroce. Dernièrement, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est à la télévision, les gens, les premiers Spoutnik, la première personne qui est entrée dans l'atmosphère, dans le vide, disons, il a entendu le sang circuler, son cœur battre, mais vraiment, il entendait que ça, en fait, puisque c'était le vide complet. Ça va être pas atroce, mais ça va être impressionnant. Extrait de Nuit magnétique, histoire de bruit par Christian Rosset, réalisation Bruno Sourcy, avec Yann Parentoen et Louis Amiel, première diffusion sur France Culture le 30 juin 1989. Au début des années 70, un homme entre dans le bureau d'Alain Truta, un des grands réalisateurs, puis le cofondateur des ateliers de création radiophonique sur France Culture. Cet homme a les bras chargés de dizaines de bandes magnétiques. Il est photographe, il vit au Vietnam et s'est doté du magnétophone mythique inventé par Stéphane Koudelski, le Nagra, pour enregistrer la vie des populations vietnamiennes et des soldats américains en train de perdre la guerre. Ce flot de sons se transforme, grâce à Alain Truta et à Janine Antoine, en un opéra de guerre, Good Morning Vietnam, dont la démesure n'a rien à envier à Apocalypse Now, le film. Cette œuvre obtient le prix Ondas 1972. Breaking Points. Good Morning Vietnam. Prix Ondas 1972. This is AFBN AM and FM in Saigon, the key station of the American Forces Vietnam Network, which is a division of the Office of Information Military Assistance Command Vietnam. AFBN Saigon operates on 540 kilohertz on the AM band with an authorized power of 50,000 watts. Cocksucker, wave the white flag, never transform! Studios and transmitters are located in Saigon and Cat Lo, Republic of Vietnam, authorized by the United States Department of Defense and the government of the Republic of Vietnam. AFBN AM and FM Saigon provides information and entertainment 24 hours a day to the American Forces personnel in the Republic of Vietnam. And now, as another broadcasting day begins, we present the national anthems of the Republic of Vietnam and the United States of America. If you were in Vietnam, you could beg it, but you can't, because the culture world is taking on Vietnam, which they don't like. I hate Vietnam. Je hais Vietnam. The thing I'll remember most in Vietnam, a trip that I made to Vinh Chai. Love in Vietnam. Vietnam means something. Vietnam, le cul en l'air. Vietnam, c'est le bordel. Vietnam est fucked up. Vietnam a le cul en l'air. But Nixon, that is for him, he privileged himself. Yeah. Nixon. Thank you. Lyndon B. Johnson. The decisions in Hanoi really determine when and whether it would be possible. We could not retract our insistence on the participation of the government of South Vietnam in serious talks affecting the future of their people, the people of South Vietnam. We know that negotiations can move swiftly. If the common intent of the negotiators is peace in the world. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont rentrer aux États-Unis? Moi, je ne sais pas ce que je ferai. J'espère que je pourrai faire quelque chose. Je ne veux pas être un criminel. Actually, look at it and say, this man is telling the truth and not a lie. Because I'm not lying. And I don't swear, but I swear to God that all I say for is 2 years and I need to be out of here. And plus, I love all people, like I said before. En plus, j'aime tout le monde. C'est tout. He said, come here. What you want? Why this man get there? Don't mean nothing. She think you want knock her. What we gonna have to do? Just take a small breath. Yeah. That's a hold up, yo. I love you. Good morning, Vietnam. This is the Dawn Buster. À 22 km de Tanti. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Vietnam condamne sévèrement les actes de guerre des navires américains contre la population de la commune de Vinh Dam dans la région de Vinh Linh, Nord Vietnam, le 19 février. Le colonel Nhân Dân, agent de l'armée populaire du Vietnam, salue chaleureusement les victoires des forces patriotiques Lao dans la plaine des chars. Thank you. J'étais à Singapour. J'ai acheté cette pipe à eau. Le mouvement pour fumer la marijuana. Aircraft carrier, porte-avions. Extrait de Atelier de création radiophonique, Good Morning Vietnam. Groupe de réalisation, René Farabet, Jean-François René, Roger Grenier, Claude Jeuner, Janine Antoine. Première diffusion sur France Culture le 16 janvier 1972. Grâce à ses techniciens et à ses réalisateurs, France Culture a toujours été attentive aux innovations qui permettaient de traduire le monde en son. L'invention de la stéréophonie permet ainsi, dans les années 70, l'élaboration d'une nouvelle écriture radiophonique. En voici deux exemples, tirés d'une série à laquelle collaborèrent tous les métiers de la maison, réalisateurs, techniciens, bruiteurs ou comédiens. Deux extraits de la série Aquarium, écrite par José Pivin et diffusée sur France Culture en août 1977, Un rêve et Poisson. Aquarium. Un rêve. Pour arriver jusqu'à ce représentant d'un état lointain, très étranger, au sourire étrange, puissant tant qu'il souriait, cela signifie quelque chose, ce sourire. Des lèvres, de la bouche, cela dégouline du jus d'un précédent repas. Oh, très raffiné, non pas d'un repas de cannibale, même si l'on représente un état noir. Enfin, cet être m'attendait. Peut-être dans un bureau aussi sombre et vaste qu'une forêt, avec ce tronc d'arbre coupé, le bureau d'acajou, lui, assis à mi-hauteur, attablé devant ce miroir en bois méticuleusement vide, prêt à me faire partager un futur repas, dont son sourire m'annoncerait le menu, indistinct. Mais il fallait l'atteindre, ce bureau forêt. Et l'homme assis, gras souriant, comme on sait. Je marchais d'abord à l'intérieur d'une grosse tuyauterie où coulait, dans le fond seulement, l'eau claire d'un égout. Il y a des égouts où coule une eau claire. L'eau d'égout claire, et je pouvais marcher sur le fond sans dégoût, quoique je savais qu'il s'agissait d'un égout. Mais voilà qu'on... Oui, moi et moi, comment dire, moi marchant et moi pensant, nous débouchons dans un autre conduit à peine plus grand, mais intérieurement d'une couleur roussâtre. Une eau roussâtre aussi coulait. Ce roussâtre, dans un égout, grand collecteur, ce ne peut être que de la merde. Et de la merde humaine. J'hésitais. Il fallait marcher dans le ruisseau de merde. Mais voici que j'aperçois un jeune homme, genre secrétaire, mince, habillé serré, qui marchait d'un pas décidé dans le ruisseau merdeux, entouré, lui aussi, de ces cercles roussâtres de poussière de merde qui tapissaient le tuyau comme une mousse. Il paraissait pressé de porter le courrier ou un pli ou un message au directeur ministre souriant qui devait se trouver du côté de la lumière qu'on voyait de l'autre côté du tunnel de l'égout. Je marchais, en évitant de penser que je marchais dans un tuyau de merde. D'ailleurs, cela ne sentait pas la merde. Il ne faut pas se suggestionner. La mère de roussâtre. Bon, et puis après, on n'en a pas envie, mais puisque celle-ci ne sentait rien, suivons le secrétaire au pas décidé. Je me rappelle. J'avais à côté de moi Régine, une fille d'affaires, bonne joue ronde, œil rond de bon conseil. Nous devions voir le directeur pour ce voyage en pays noir. Alors, merde ou pas merde, on marche. D'ailleurs, le jeune homme nous devançait. On changera de souliers plus tard. Ça se complique. À cet endroit, le tuyau a une sorte de bosse. Faut être mince pour passer. Le jeune secrétaire, je vous l'ai dit, était mince, d'une couleur lui-même brunâtre. Il se glissa entre la bosse et la paroi sans trop toucher la merde humide de l'égout. Enfin, le moins possible. Mais Régine et ses joues, et moi, ma poitrine et mon ventre, il allait falloir s'aplatir, se coller aux parois merdeuses pour essayer de passer. Alors, on y va? Bien sûr, on en sera plein. Plein les joues, les oreilles, les mains, les cheveux, la poitrine. Bah! La lumière est là-bas. Allons-y. Si l'on arrive à passer, tant pis pour la merde. Dommage de ne pas être mince. On est comme on est. Mais il y a de l'espoir. À condition de ne pas lésiner et jouer au délicat. Aquarium. Mots animés, Paul Leperson. Situation stéréophonique, Didier Gervais. Montage, Michel Galou. Assistante, Pierrette Perronneau. Écriture réalisée de José Pivin. Aquarium. Poisson. Plus personne à l'horizon. Oui. Là, le printemps. Il a voulu former le numéro de téléphone en mettant le doigt dans les narines de la téléphoniste. Beau rôle. Tiens, tiens. Tout le monde s'est compté. Des sources naissaient dans les berceaux. Il faut enterrer les âmes très profondément, je vous assure. Tu sais. Vous ne savez pas ce que j'éprouve lorsque je suis dans cet état. Et puis... Les hommes et les femmes se dandinent comme des algues, fixés par les pieds, en attendant le métro. Qu'est-ce que tu fais du beau temps aujourd'hui? J'hésite à regarder dans les yeux. Je m'épuise. Je cherche de l'eau. je ne la trouve que rarement. Encore plus rarement, offerte. Que cherches-tu, petit garçon? Mais pourquoi, madame, avez-vous une voix si désagréable? Non. Non. Non. De loin, on nous prend les uns pour les autres. Ah, oui. Ce n'est pas de l'or. J'ai vu passer des voitures dans les yeux bleus du flic au carrefour. Ah, oui. Il a voulu devenir coiffeur. Éloigné de soi, au point de ne plus s'obéir soi-même. Sa queue attrapa le cancer. Et il devint un paon. Dans un wagon de première classe. Mais non, ce n'est pas impossible. Ding dong, ding. Ding dong, ding dong, ding dong. Écoute, moi, accomplir un acte cru. Je fuis le définitif. Quand une fille appelle un automobiliste crétin, c'est une Française. Oh ! Il m'a touchée. Un pommier en fleurs. Quel bruit. Ding dong. Ding dong. Ding. Mange. Aquarium. Poisson. Écriture réalisée de José Pivin. Mots interprétés par Jean-Pierre Joris, Emmanuel Weiss, Roger Brett, Jean-Joseph Tremblay, Jacques Lullet, Michel Pâtre, Michel Daigle, Roland Bourguignon. Situation stéréophonique Daniel Tourcière. Montage Michel Galou, Monique Burguière. Assistante Pierrette Perronneau. Série Aquarium. Un rêve et poisson, mots animés de José Pivin, première diffusion sur France Culture, août 1977.